Bienvenue à Mélomanes sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ FM ou encore en direct sur CFNJ.net de partout dans le monde. Mathieu Lajoie au micro en ce mercredi 20 janvier 2021. Heureux comme toujours de vous retrouver ce soir pour notre rendez-vous hebdomadaire où on ingurgite ensemble une dose de massive de musique. Parce qu'il n'y a rien comme la musique pour adoucir les mœurs. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me disent que je devrais le dire plus souvent, que voulez-vous. Il semblerait que j'ai passé le réflexe devant ma salade. Tout ce beau travail fait avec amour pour vous chaque semaine. Et c'est vrai que je travaille quand même assez fort pour vous donner la meilleure émission possible à chaque fois. Même si je m'en plains pas du tout, mais savez-vous ce qui me ferait plaisir? Par contre, ben, si vous aimez l'émission, devenez membre du groupe Facebook Mélomanes pour faire partie d'une belle communauté de fans de musique et avoir du contenu toute la semaine. Et si c'est déjà fait, bien partagez la bonne nouvelle, partagez le groupe, partagez les pubs d'émissions à venir, partagez les émissions, la page des émissions archivées, toutes des choses que vous allez trouver sur le groupe Mélomanes, et aussi commentez, parce que c'est comme ça que ça marche, les algorithmes sur Facebook, et c'est comme ça qu'on fait croître une communauté qui va bientôt atteindre les 1000 membres, mesdames et messieurs. Donc bref, ça me ferait vraiment très plaisir si vous preniez un petit 2 secondes pour encourager l'émission de cette façon-là. Et pour ce qui est de notre émission ce soir, ben, on a un sujet quelque peu controversé à se mettre sous la dent, comme vous l'avez probablement vu sur Facebook, justement. Un homme du nom de Phil Spector qui est mort cette semaine. Et le but n'est pas de rendre hommage à un homme exécrable ici, mais bien de vous expliquer qui était la personne, parce que les fans de musique ont souvent vu ce nom-là passer. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom-là ou juste cette semaine. Cette personne en question est surtout explorée, par contre, le son particulier d'une époque. Mais je vous explique tout ça de l'autre côté de notre premier bloc, qui commence comme suit. Tout ça, bien sûr, à Mélomanes, au 99.1. Et au 88.9, CFNJ. Turn their head every place. au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. When I was a little girl, let me fly. get down on my knees for you. Et c'est à Méloman que ça se passe ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1, 88.9. Et comme je vous disais tantôt en début d'émission, ben c'est un sujet quelque peu délicat qu'on aborde ce soir. Et je veux quand même être très clair quant à l'angle qu'on va prendre pour l'émission. Parce qu'il y a un réalisateur d'albums, compositeur, arrangeur et même musicien qui est décédé samedi passé. Son nom, c'est Phil Spector. Et le bonhomme a eu une influence indéniable sur la musique et tout ce qui allait suivre, mais le problème, c'est que c'est aussi carrément un meurtrier. D'ailleurs, il est mort de la COVID en prison à l'âge de 81 ans. Le pire, c'est que même avant qu'il soit condamné en bonne et due forme, eh bien, c'était pas mal connu dans le monde de la musique déjà que c'était une crapule mégalomane, psychotique et violente, un gars qui allait jusqu'à menacer les artistes avec un gun, un pistolet, s'il faisait trop de prises en studio. Bref, un malade mental de la pire espèce qui avait une espèce de complexe de Napoléon qui se promenait en talons hauts avec des perruques pas possibles. Mais comme je vous dis, si ça avait été juste de ça, ben il y a bien des artistes qui sont excentriques, mais le problème, c'est que c'est loin d'être juste ça. Donc, je veux que ça soit bien clair que l'émission de ce soir se veut pas un hommage posthume comme on en fait parfois à Méloman. C'est bien de valeur, mais il n'en mérite pas. Il a perdu des plumes en cours de route, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ceci dit, vous le savez, à Méloman, on a une certaine vocation éducative pour ce qui est de l'histoire de la musique en général. Et qu'on le veuille ou non, ça représente un pan assez important de tout ce qui allait suivre dans la musique populaire à partir des années 60. Et ça allait influencer beaucoup de choses complètement différentes, comme on va le voir ce soir. Et tout ça, c'est grâce à des centaines d'artistes, musiciens, compositeurs et plusieurs producteurs qui se sont avérés être les architectes d'un certain son dont a fait partie Phil Spector, mais pas seulement. Et c'est là que ça devient intéressant parce que tous ces architectes-là n'ont pas à pâtir de la faute d'un seul maniaque parmi une foule de créateurs et d'interprètes hyper talentueux. Et tout ça pour dire que ce soir, on va parler d'un son en particulier qui est né dans le début des années 60, soit celui du « wall of sound », donc littéralement le mur du son, qui va être beaucoup lié à l'époque glorieuse du mono, juste avant que le fameux stéréo vienne tout changer. Et surtout, ça veut dire un gros paquet de chansons que tout le monde connaît sans savoir et que c'est lié à cette période-là en particulier, une époque où on va essayer d'avoir le plus gros son possible, des arrangements luxuriants pour lesquels on engageait souvent des groupes de musiciens de session légendaires comme le Wrecking Crew. D'ailleurs, ça vaudrait vraiment la peine qu'on consacre une émission en entier sur le Wrecking Crew en question parce que c'est une équipe de musiciens qui a joué, tous des musiciens de session qui a joué sur un pourcentage ridiculement élevé de succès des années 60 que presque tout le monde connaît. Donc, voyez-vous, tout ça est lié. Des fois, on va faire jouer, dans ces cas-là, trois batteurs en même temps, trois basses, des fois une jouée avec les doigts, une autre avec un pic, plus une contrebasse avec un archet, des timbales, des cordes, des cuivres, des chorales, tout ça en même temps dans un tout petit studio, les musiciens empilés les uns sur les autres, bref, on est dans la démesure totale. Et tout ça en plus pour une chanson pop de 3 minutes, parce qu'on parle pas d'une symphonie de Beethoven. Et ce son-là, ben, on l'a entendu dans le dernier bloc qui s'est terminé avec les Righteous Brothers, qu'on connaît beaucoup pour Unchained Melody, chanson d'amour par excellence, qui a été repopularisée dans le film Mon fantôme d'amour, Ghost, avec Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg aussi. Mais là, c'est avec leur grand classique de 1965, You've Got That Lovin' Feeling, qu'on les a entendus, une chanson qui avait été faite, qui avait fait une très grande impression sur un jeune Brian Wilson, le cerveau compositeur de génie derrière les Beach Boys, dont on a souvent parlé à l'émission. D'ailleurs, on raconte qu'après avoir entendu la chanson, Brian aurait tout de suite appelé Barry Mann et Cynthia Whale, les auteurs-compositeurs de la chanson en question, pour leur dire que c'était la meilleure chanson qu'il avait jamais entendue de sa vie, qu'au début, il était sur le point de lâcher la musique, mais qu'en même temps, ça l'avait grandement inspiré à continuer de composer. Et heureusement, parce que ça va être un de ses moteurs pour composer la fameuse « Good Vibrations », il y avait une citation très célèbre de Brian Wilson qui disait à propos de Good Vibrations que ça allait être meilleur que You've Got That Love and Feeling. Donc, c'était vraiment son but pour cette chanson-là, faire une chanson meilleure que celle qu'on vient d'entendre. Donc, bref, une chanson qui a une grosse influence et qu'on a entendu juste après une fresque complètement épique du même acabit. On a entendu Ike et Tina Turner en personne avec River Deep Mountain High en 1966. Une pièce qui représente très bien ce fameux mur du son et qui a coûté à l'époque, imaginez, la somme coquette de 20 000 $. Je vous rappelle qu'on est en 1966. Ça représente à peu près 173 millions aujourd'hui. Donc, quand je vous dis qu'on est dans la démesure totale, c'est pas à peu près. Mais au moins, ça fait un grand classique qui a été repris par plein de gens, dont notre Céline Dion nationale. Et ça, on a entendu ça juste après trois pièces qui se sont inspirées entre elles à travers les années. Les influences étaient quand même assez évidentes. On a entendu le groupe The Jesus and Mary Chain en 1985 avec leur classique Just Like Honey dans un genre alternatif de noise pop qui va donner naissance assez clairement à un style qu'on va appeler le shoegaze dans les années 90 et qui va faire un retour assez fort dans les dernières années. Avec puis shoegaze dans les années 90, on peut parler de groupes comme My Bloody Valentine, qui est vraiment un précurseur, vraiment un mur du son en soi, complètement différent, mais quand même la même idée. Et sinon, ben notre bloc a commencé avec le mur du son personnifié en la personne des Ronettes et leur méga succès Be My Baby de 1963, une chanson qu'on associe tout le temps à Dirty Dancing, qui elle aussi va avoir un gros effet sur Brian Wilson. C'est le moins qu'on puisse dire. Il va déclarer que c'est la meilleure chanson pop de tous les temps. Et il va même devenir pas mal obsédé avec Be My Baby, tellement qu'il va se faire un enregistrement qui joue la pièce en loop et qui va écouter ça sans arrêt en se berçant comme dans une transe assis en dessous de sa table de cuisine. On se rappelle que la santé mentale de Brian Wilson était assez fragile, merci. Mais heureusement, beaucoup moins sombre, moins dark que celle de Phil Spector, justement. Mais ça va le pousser à faire ce qu'il considérait la version masculine de la chanson en 1964 avec « Don't Worry Baby » qu'on a entendu des Beach Boys juste après. Mais là, on est plus que du pour écouter de la musique. Toujours dans l'esprit du mur du son à Mélomane ce soir, 99.1 et 88.9 CFNG. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. watch her as she grows in my garden. There is a rose in Spanish Harlem. Bonjour à Méloman, ce soir sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9, où on explore la grande époque du mur du son, comme on en a longuement parlé juste avant le bloc qu'on vient d'entendre, et qui s'est terminé ici sur une magnifique chanson d'un groupe du nom des Paris Sisters, qu'on a entendu en 1961 avec leur succès « I Love How You Love Me ». Une production de Phil Spector, évidemment, mais une composition de Barry Mann, de qui on a parlé tantôt. Et il y a aussi Bobby Vinton, surtout connu pour des chansons comme Blue Velvet ou Mr. Lonely, qui va en faire une très belle version et qui va en faire un succès pour une deuxième fois en 1968. Et juste avant ça, on a entendu un ancien membre des Drifters, groupe dont on va reparler plus tard ce soir, un gars qu'on connaît surtout pour Stand By Me, Monsieur Ben E. King avec l'excellente Spanish Harlem, toujours en 1961, chanson composée par Spector et Jerry Lieber, qui a composé un paquet de chansons que vous connaissez, dont un paquet de trucs pour Elvis Presley, entre autres. Chose qui était précédée ici de deux Beatles en version solo, parce que non, les Beatles n'ont pas échappé à l'étrange monde de Phil Spector. Ils vont entre autres travailler sur l'album Let It Be, mais ça, on va y revenir plus tard dans l'émission. Chose certaine, c'est qu'il a aussi travaillé avec John Lennon et George Harrison dans leur carrière solo respective après les Beatles. Et sur des gros hits, à part de ça, on a pu entendre Instant Karma, We All Shine On. C'est quand même assez curieux parce que le karma a vraiment fini par rattraper Phil Spector. Donc, Instant Karma, qui est un 45 tours de John Lennon en 1970. Et la fameuse My Sweet Lord, certainement un des plus gros hits en carrière de Harrison. Tout ça la même année, 1970, tiré de l'album triple All Things Must Pass. Mais ça sera pas toujours l'amour fou entre Harrison et Spector. Harrison va détester ce que Spector va faire de sa chanson Wawa, entre autres, parce que le mur du son, c'est pas toujours, toujours réussi. Et tranquillement, pas vite, ben dans les années 70, Spector va être un peu beaucoup dépassé par les événements avec l'avènement du stéréo et tout. Plus le temps va avancer, disons que sa formule en était plus une qui fonctionnait dans le monde mono des années 60. Comme on a pu l'entendre d'ailleurs avec les Crystals, juste avant avec le classique Then He Kissed Me, paru en 1963, une performance instrumentale du fameux Wrecking Crew dont on parlait tantôt, l'équipe de musiciens de session, mais surtout sur des arrangements de Jack Nitzsch, qui est l'homme dans l'ombre de Phil Spector, à qui on devrait donner ô combien plus de crédit. D'ailleurs, c'est un peu la personnification même de ce que j'essaie de dire. Plutôt, Phil Spector prenait beaucoup, beaucoup de place pour un producteur et malgré ses bonnes idées à lui quand même, il avait comme une fâcheuse tendance à se mettre beaucoup trop de l'avant, en avant de ses artistes et beaucoup en avant de ses équipes d'arrangeurs et compagnie. Et c'est beaucoup, beaucoup le cas pour le très talentueux Jack Nitzsch, dont le nom vous dit peut-être rien, mais c'est un gars qui va travailler sur une foule de musique de films. Il va travailler sur la musique de l'Exorciste, évidemment pas le thème de Mike Oldfield, mais quand même la musique de l'Exorciste, Vol au-dessus d'un nid de coucou, Le Diamant du Nil, Neuf semaines et demie, Stand by Me, basé sur la nouvelle de Stephen King, Starman de John Carpenter, bref, beaucoup de trucs pour la musique de film, beaucoup de musique instrumentale géniale, un gars qui a travaillé avec les Rolling Stones, Neil Young et j'en passe. Et c'est à lui qu'on doit une foule d'arrangements de l'époque qu'on couvre ce soir, donc dont ceux de Then He Kissed Me, chanson qui elle aussi va être reprise par les Beach Boys sous le titre de Then I Kissed Her. Et tout ça amorcé par nul autre que les Ramones, gros fans de la musique de cette époque-là, qui eux aussi se sont essayés avec Spector pour des résultats quelque peu mitigés sur l'album End of the Century en 1980. Mais c'est aussi avec lui qu'ils vont faire une version de leur succès Rock and Roll High School, la troisième pour être plus précis, chanson du film du même nom en 1979. Et sur ce, on retourne en musique, toujours à Mélomane, 99.1, 88.9 CFNJ. All Broadway. pretty little angel eyes, pretty little angel eyes, pretty little angel, pretty little angel, pretty little, pretty little, pretty little angel. Pretty little angel eyes. Angel eyes, I really love you so. Angel eyes, I'll never let you go. Because I love you, my darling angel eyes. Pretty, pretty, pretty little angel eyes. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Méloman avec Mathieu Lajoie. partiellement nuageux pour les prochaines heures, minimum de moins 21 à moins 17 degrés. Jeudi, de la neige, 5 cm, maximum de moins 10 à moins 6. Et vendredi, toujours quelques flocons sont probables, maximum de moins 6 à moins 2 degrés. CFNJ 99 Et c'est toujours à Méloman que ça se passe, le mercredi soir à CFNJ, où cette semaine, on est dans l'exploration des glorieuses années du mono, années 60 majoritairement. Mais qui est donc ce fou furieux, ce mégalomane dangereux qu'on appelait Phil Spector, mais surtout les influences que ça a eues sur nombre d'artistes? On a pu entendre d'ailleurs des influences assez marquées. Merci. Dans la dernière pièce. Il s'agissait du Mark Ritz Orchestra and Chorus avec leur très belle version d'I Can Hear Music en 1969. On va en reparler Mark Ritz à un moment donné à l'émission parce que c'est tout un personnage. Une chanson, c'est un gars, c'est un Français qui a avorté un projet très important qu'il avait mis en branle. Bref, on va en reparler, mais I Can Hear Music, une chanson originalement popularisée par les Ronettes en 1966, les Ronettes qu'on a entendus en tout début d'émission avec Be My Baby, dont on va reparler aussi tantôt, et bien sûr les Beach Boys qui vont encore reprendre la chanson eux aussi en 1969. Vous devez commencer à comprendre la fascination de Brian Wilson dont on parlait tantôt. Et on a aussi entendu le premier vrai gros hit de la période Spector. On était en 1958 avec les Teddy Bears qui nous chantaient le classique « To know him is to love him », chanson qui va être reprise par tout le monde, de Nancy Sinatra à Peter and Gordon, en passant par Bobby Vinton, une version de Dolly Parton avec Linda Ronstadt et Emily Harris, et même une version rare des Beatles. Donc, c'est dire une chanson quand même très importante. On a aussi entendu une vieille chanson de 1961 par Curtis Lee avec Pretty Little Angel Eyes, qui était elle-même précédée des Drifters, dont on a parlé tantôt. On parlait de Ben E. King, l'homme derrière Stand By Me et Spanish Harlem, qui a fait partie un temps des Drifters, mais puis au moment où on les a entendus avec le méga classique ici, On Broadway de 1963. Chanson qui n'est pas une production ni une composition de Spector, mais qui est derrière le solo de guitare caractéristique de la chanson qu'on a pu entendre. Et on s'entend que le groove particulier de la chanson a sûrement dû l'influencer pour ce qu'on a entendu juste avant. La version de Bob B. Sox and the Blue Jeans de Zip-a-Dee-Doo-Dah en 1963. Une chanson qui vous a peut-être évoqué le merveilleux monde de Disney. Et c'est normal, parce que ça nous vient originalement d'un film de Disney de 1946. Et on est encore une fois dans la controverse. Décidément, ce soir, on est vraiment dans la controverse. C'est la saveur de l'émission de ce soir, parce que la chanson en elle-même n'a rien de particulièrement choquant. Mais le film duquel elle vient, c'est une autre histoire. Il s'agissait du film Song of the South, Mélodie du Sud en français, qui dépeignait les Afro-Américains de manière assez louche, quand même assez raciste. Disons que c'est un film que Disney a longtemps essayé d'oublier en faisant comme s'il n'avait jamais existé. Donc, c'est pas mal juste la chanson qui a réussi à traverser le temps. Puis, c'est quand même dommage parce que c'est un des premiers films qui alliait vrais personnages et personnages de bande dessinée, un peu comme à la Roger Rabbit et compagnie. Donc, c'était le merveilleux monde de Disney. Et sur ce, ben, on va aller un peu plus explorer ce que le fameux mur du son a pu avoir comme influence sur certains artistes que vous connaissez, de tout genre confondu. Mais tout d'abord, on est en plein Wall of Sound, on ne peut plus original. 1963, on écoute les Crystals, 99.1 et 88.9, CFNJ. Yes, his name was Bill. every breath I take. And every time we have to be apart, I hardly ever find you in my heart. Every little breath I take, only with every little step I make, only with every little beat of my heart, and every single minute I'm et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. She turned once more. been discharged, a hand-me-down gown of rags and silks, a costume fit for one who sits and cries. Thank you. as his country dies. Although I couldn't feel the pain, I knew I had to try. Now I'm asking all to help us save some. Toujours Man O'Man sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9 avec Ronnie Spector qu'on vient tout juste d'entendre. Ronnie Spector, né Bennett, qui est nul autre que la chanteuse principale des Ronettes qu'elle avait formée avec sa grande sœur Estelle Bennett et leur cousine Nedra Talley. Donc c'était une histoire de famille, les Ronettes dont on a parlé tantôt, qui ont démarré l'émission de main de maître avec la fameuse Be My Baby. Et vous l'aurez deviné, Ronnie Spector, parce que ça va devenir l'épouse du fou furieux qui était Phil Spector. D'ailleurs, ça va certainement être une des personnes qui va malheureusement le plus souffrir, être la victime de cet être abject. Elle va se plaindre de séquestration, de violence. Elle va vivre l'enfer. Mais sur une note plus lumineuse, elle va finir un jour par s'émanciper de son influence de Phil Spector. Et après, les Ronettes, ça va continuer à chanter quand même en version solo, heureusement. Et c'est avec Try Some, Buy Some qu'on l'a entendu en 1971 sur l'étiquette Apple des Beatles. Une chanson écrite d'ailleurs par George Harrison qu'on a justement entendu juste avant, la même année, avec la fameuse Bangladesh. Chanson tout d'abord sortie en 45 tours en 1971 et qui va finir par apparaître sur l'album The Concert for Bangladesh, qui va finir par être le tout premier concert de charité de l'histoire de la musique, rien de moins, suite à une demande faite par la légende de la sitar indienne Ravi Shankar à George Harrison, qui lui avait demandé de l'aider à collecter des fonds pour venir en aide aux 10 millions de réfugiés bengalis qui fuyaient les combats au Pakistan oriental. Donc, c'est de là que nous vient la chanson Bangladesh, qui était précédée ici d'un duo assez improbable, parce qu'on était plus du côté de l'influence qu'a eu le fameux mur du son chez certains artistes de toutes sortes d'horizons. Et à preuve, ben, vous avez certainement pu entendre la dite influence super chargée, plein d'instruments là, du mur du son dans le gros hit Born to Run, de l'album du même nom pour le boss Bruce Springsteen en 1975, définitivement une influence là. Comme pour le Velvet Underground, complètement différent, mais le Velvet Underground avec Nico en 1967, qui se réclamait eux aussi de ce son-là, de cette influence-là. On les a entendus avec All Tomorrow's Parties. Et juste avant ça, ben on était dans les tout débuts 60 avec Every Breath I Take de Gene Pitney, en 1961, vraiment des arrangements de cordes très particuliers, très cool, force est d'admettre. Et 1960 pour Ray Patterson avec Corina, Corina, une vieille chanson blues traditionnelle dont la première version enregistrée date de 1928 par Bo Carter et Papa Charlie McCoy. Mais ça va être repris par une foule d'artistes au fil des années, autant du côté du blues que du jazz, du country et du folk. D'ailleurs, on peut la retrouver sur The Free Willin' Bob Dylan, deuxième opus de Dylan en 1963, sur lequel on pouvait aussi retrouver Blowin' in the Wind. Mais là, encore tout un bloc à venir et le temps qui file, ma foi. Et là, vous allez me trouver bizarre un 20 janvier comme ça, parce que on ne peut pas aborder le sujet du mur du son Phil Spector et compagnie sans parler d'un album de Noël particulièrement influent paru en 1963. Un album dont le titre était « A Christmas Gift for You from Phil Spector ». Quand je vous disais que le bonhomme aimait ça se mettre maladivement de l'avant. Mais reste que vous savez combien c'est difficile d'écrire une chanson originale de Noël qui traverse le temps. Et celle-là a trouvé le moyen de le faire, de s'inscrire dans le répertoire de Noël. En plus, qui est tout à fait représentative du son qu'on explore aujourd'hui. Donc, on écoute Darling Love à Meloman, qui vous souhaite un joyeux Noël aux 99 ans et 88.9 ans. CFNJ. We'll be right back. girl by your side. Yeah. You keep me, you give me what I need, you keep me satisfied. Girl, I was born, born, born, born, born be with you. Yeah. Wondrously, eternally. Did I ever tell you? Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. Oh, oh, oh, oh. And even when we kiss, that she's the one you're thinking of. I guess it's true, 'cause once or twice you called me by her name. I need you so, but now I know that you don't feel the same. It's all over town. You put me down. A second-hand love. A second-hand love. Though late at night, I sit alone and count the tears that fall. I'd rather I'll be first in your heart. It's all over town. You put me down. I'm a second-hand love. A second-hand love. Just a second-hand love. I'm a dreamer. disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to ce qui va s'avérer être notre dernier bloc de la soirée à Méloman sur les ondes de CFNJ 99.1-88.9. Et certains considèrent que c'est une réussite, d'autres que c'est un désastre. Paul McCartney considérait certainement que c'était un désastre, du moins pour ce qui est des arrangements sirupeux que Phil Spector avait conçus pour The Long and Winding Road, qui va finir sur l'album Let It Be en 1970. Un album qui avait commencé comme une idée de film par les Beatles pendant l'enregistrement de l'album blanc, A Fly on the Wall, qui va plus ou moins devenir Get Back pour finir en Let It Be, pour l'histoire courte. Un concept qui a toujours un peu battu de l'aile. L'idée de base, c'était que les Beatles retournent aux sources dans un enregistrement dépouillé, juste les Beatles, comme à leur début. Et tout à coup, George Martin, réalisateur de tous les albums des Beatles, le cinquième Beatles, qu'on appelle souvent, va décider de tirer la plug, comme on dit. Et c'est Phil Spector qui va faire son entrée controversée dans le tableau. Donc, comme vous avez compris, l'idée, c'était certainement pas d'y aller à grand sirop de poteau avec des cordes et des cuivres quand on voulait que ça soit dépouillé. Et c'est probablement The Long and Winding Road qui va le plus en souffrir et ça va rendre McCartney complètement furieux. il va détester cette version-là, tellement qu'en 2003, on va assister à la sortie de Let It Be Naked, dont on va complètement retirer la part de Phil Spector. Ce qui, en fait, pour plusieurs, va faire un meilleur album. Mais pourtant, ça n'a pas empêché John Lennon de continuer à travailler avec Spector après l'album Let It Be. Et oui, surprise, surprise, c'est Spector qui était derrière les consoles pour la légendaire Imagine en 1971, qui, pourtant, elle, est complètement dépouillée, si ce n'est des cordes qu'on entend en arrière. Reste que sans le génie de Lennon, ça n'aurait jamais vu le jour. Et sinon, rapidement, ben, on a entendu la grande Connie Francis, qu'on n'entend pas assez souvent à l'émission, j'en prends bonne note, avec une très belle chanson du nom de Second Hand Love en 1962, précédée, en parlant des Beatles, de la toute première version originale de Twist and Shout par les Top Notes en 1961. Elle va être ensuite reprise par les Isley Brothers et seulement après tout ça, les Beatles. Ils vont la reprendre pour en faire la version définitive qu'on connaît tous. On a aussi entendu un ami des Beatles, surtout de John Lennon, Harry Nilsson, dont on a souvent parlé à l'émission, en compagnie de nul autre que Cher en 1975, pour une reprise de Like A Love Like Yours, Don't Come Knocking Every Day, chanson originalement popularisée chez Motown par Martha and the Vandellas. Et, petite anecdote, vous irez écouter Cher dans une de ses tout premiers enregistrements au moment où elle enregistrait sous le nom de Bonnie Joe Mason avec sa chanson hommage à Ringo Starr, Ringo, I Love You, en 1964. Une chanson qui sonne surprenamment très garage, presque punk. Et on a aussi entendu Dion, qu'on connaît pour Run Around Sue beaucoup, lors de son comeback, toujours en 75, avec Born to Be With You, et tout ça amorcé par une pièce définitivement inspirée par la production Wall of Sound, les excellents Walker Brothers avec la reprise de Frankie Valli et les Four Seasons, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore en 1966, les Walker Brothers, qu'il faut absolument découvrir, surtout Scott Walker en particulier, qui va être complètement surréaliste dans sa carrière par la suite. On va en reparler à l'émission, assurément. Et nous, ben, c'est ce qui met fin à notre émission de ce soir. Je vous dis à la semaine prochaine, mercredi, 20h, même heure, même poste. Et sur ce, ben, je vous laisse encore une fois avec un Beatles. Parce que je vous l'avais dit, Phil Spector est partout malgré tout. Mais écoute, Isn't It a Pity? George Harrison, 1970, 99 ans, 88.9, c'est FNG. Now isn't it a shame how we break each other's heart? Cause each other pain. How we take each other's love without thinking anymore. Forgetting to give back. Isn't it a pity?